un dîner étrange. Nous mangions du cache-caval, de la confiture de rose, des friandises orientales, assis sur des coussins sous hypnose d'un magicien. Sur le tapis turc, ou peut-être afghan, était tissé un palais fabuleux, riche d'arcades, digne de l'heureux souverain qui rêva Kublai Khan. Il nous invita d'une formule, transformée en miniature, à fouiller l'auguste vestibule en cortège de fière allure. Vêtu de soie et de satin, en costume de libellule, escarpin, funambule et chapeau de lutin. Invisible, mêlé aux plantes, nous avons traversé le temps. Personne encore ne s'en vante, sauf en rêve, au printemps, quand les âmes réincarnées parfument de jasmin les enlimines.